Sur le métal froid, je grave mon histoire. Les flammes dansent, éclats de mémoire. Chaque pas forge mon avenir. Au cœur du chaos, je refuse de fuir. Les ruines chantent leur mélodie, un écho sourd d'une époque oubliée. La poussière voit mes pensées, mais l'espoir ne cesse de briller. Les ombres glissent, le temps s'efface. Dans ce désert, je cherche ma place. Un souffle chaud fend la nuit, un murmure, une lueur enfouie. Les chaînes tombent, le vent se lève, portant les voix, brisant la trêve. Je marche seul, mais la foi m'anime. Un feu sacré au fond de mes abîmes. Keep the fire burning bright through the dark and endless night. Hold the hope, don't let it fade. In the ashes, where am I? Les murs s'écroulent, mais pas mon âme. Je garde en moi cette flamme. Chaque pas est un combat contre l'oubli, contre le trépas. Le vent hurle des prières anciennes, des chants perdus, des voix lointaines. Je porte ce poids avec fierté, la lumière guide ma destinée. Dans le silence, j'entends l'appel d'un monde qui chancelle. Je crie la vie, je crie l'espoir, même dans le plus noir des soirs. Nos voix s'élèvent. Sacré brûle encore dans nos cœurs, plus fort que l'effort. Hold the flame, keep it alive. Through the storm, we will survive. Stand your ground, fight the fight. Together shining through the night. J'ai vendu mes rêves. Jamais ne ploie un prophète perdu dans la nuit, portant l'éclat d'un avenir gris. Les voix s'éteignent, mais je tiens bon. Je marche encore sous ce ciel profond. Chaque pas inscrit dans la pierre, un chant de vie, un souffle fier. Solo intense, harmonica et saxophone s'entrelacent. Slide guitar tisse la trame blues. L'aube perce, douce promesse. Un souffle chaud, une caresse. Peut-être qu'au bout de la nuit, le jour se lève sans bruit. Je tends les bras vers demain, portant nos rêves main dans la main. Chaque souffle, chaque regard trace un chemin, un départ. Tape des mains, ressens la vie. Danse avec moi, oublie l'ennui. Plus de chaînes, plus de lois. Juste nos voix qui font la joie. Dans ce monde de fer et de feu. On avance, coûte que coûte heureux. Nos cœurs battent la même rythmique, unis dans ce chant épique. Stand your ground. Sans loi, aucune ruine peut l'éteindre. Nos âmes s'élèvent, prêtes à rejoindre. Je marche droit malgré les ruines. Chaque pas grave l'histoire divine. Nous sommes la voix, le feu, l'espoir, la lumière au cœur du noir. Hold the light. Keep it burning bright. Hold the light. Hold the light. Keep the fire alive tonight. In the ashes, we're a night. Elle murmure, stay alive. Il murmure, always free.